et de Paris au canot, de Venise et ruelles de Barcelone jusqu'aux plaines de Belgique. Partout je me sens chez moi. De la corne d'Éthiopie aux plages sénégalaises, des grands lacs africains aux bidonvilles de Pretoria. Partout je me sens chez moi. Chez moi, car je suis international, international. Partout où je vais, je me sens chez moi, car je suis international, international. Grande muraille de Chine aux rives du Mekong, du sommet du mont Fuji au Bouddha de marbre blanc. Partout je me sens chez moi. Des buildings de New York aux plages dorées de Rio, du pont de San Francisco aux collines d'Hollywood. Partout je me sens chez moi. Chez moi, car je suis international, international. Partout où je vais, je me sens chez moi, car je suis international, international. De Sydney au boulevard d'Honolulu, des montagnes de Nouméa au parfum de papette. Partout je me sens chez moi. Des quartiers de Paris au canot de Venise, des ruelles de Barcelone jusqu'aux plaines de Belgique. Partout je me sens chez moi.